Ça va. Enchanté. Décembre. Un camp. Vous pouvez répéter? Des baguettes. Accent aigu. Je préfère. Une fête. Je m'appelle. Sept. J'aime. À demain matin. Bien. Lundi. Mercredi. Je te présente. Deux. Jeudi. 9 heures. Merci. Désolé. À bientôt. Moi aussi. Bonne journée. Un homme. D'accord. Bonsoir. Tu comprends? Tu. Salut. Vous. Bonjour. 8 juin. Toi. Louisiane. Chef. Chic. Grand. Bonjour. Janvier. Tu as quel âge? Mieux. Bon voyage. Bastille. Travail. Millefeuille. Champagne. Rap. Au revoir.